Il faut le passer à travers ça. Ben, c'est ça, la conscientisation de l'âme. Parce que moi, je vois ça comme étant comme un bateau qui traverse au bord, la grande métaphore hindoue là, qui dit tu prends ton esprit qui avec contre c'est le bateau qui te traverse à l'absolu. Mais moi, je vois ça comme étant le passage, en fait, on garde la lumière, mais l'esprit a eu besoin de passer, de traverser le bord de rivière, puis là, il faut qu'il revienne. Oui. Mais c'est que le bateau, il ne faut pas l'emmener avec soi. Non. Il faut qu'il reste là, puis une fois qu'il est fini, tu l'ouvres, puis il couille là, puis c'est fini. Ouais, ouais. Jamal, moi, j'ai une question, là. Ça fait combien d'années? Tout ça, le quotidien de l'esprit, là, à quoi ça sert? D'où ça vient? C'est quoi que c'est là? Ouais. Mais tout ce que c'est l'esprit, là, ça, ce que je viens d'expliquer, ce que... Ça vient d'où, ce qu'on va, ça va donner, pourquoi ça existe, c'est ça. Mais d'où vient? Ce que je... Tant que je vais vous parler avec des mots, mes mots vont servir à déjouer votre esprit. Mes mots vont servir à vous faire réaliser que vous êtes dans le cinéma de votre esprit. Jusqu'à temps que vous soyez tellement écœuré d'être dans le cinéma de votre esprit que vous allez sortir du cinéma de votre esprit. Autrement dit, que vous allez sortir de la pensée subjective. Mais si tu ne le fais pas, vous ne pourriez pas sortir. Parce qu'il faut que quelqu'un te le dise que tu es dans le théâtre. Tu comprends? Parce que le film est bon, maudit. Il y a de l'action. Par rapport à ce que nous disons, donc, qui est un film très réussi à l'été du festival, tout le monde se sont rencontrés à Gare. Se sont rencontrés. C'est un accident ou c'est été fait par accident? Dans le cadre de la demande de votre question, c'est sans importance. La chose, c'est ça, c'est important de comprendre ça. Aussitôt que vous attachez à quelque chose, vous attachez à quelque chose. Mais non, pas attaché. Quand vous me demandez une question, vous attachez à quelque chose. Quand on vous demande une question, c'est une femme que vous avez besoin de nourrir pour sécuriser une émotion qui est à la base de la forme qui vous fait demander la question. On est bon, on fait notre ouais. On pense qu'on est en train de m'amener et on se dit, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends rien. Ouais, c'est ça. C'est là que vous commencez à avancer. Je veux savoir. Ben. La souffrance, elle est là. Ça fait partie de cette transmutation. J'ai envie de dire quelque chose. Il est inutile de chercher une raison au violet. Je pense que c'est un indicatif. Oui, ça c'est vrai ce que tu dis. Mais ce n'est pas essentiellement réel. Parce que les gens ont besoin encore d'être nourris de certaines formes pour les amener à détruire d'autres formes. Quoi? C'est vrai, mais c'est pas réel. Parce qu'on a encore suffisamment dans notre énergie pour pouvoir le garder. Parce que c'est toujours vous autres qui déterminez la façon que je parle. Pas moi. Moi, je parle toujours suivant vous autres. Compte tenu d'un dénominateur commun de conscience, naturellement. Si j'étais avec vous autres personnellement, peut-être que je parlerais autrement. Mais dans un groupe quelconque, c'est toujours vous autres qui déterminez la façon que je parle. Parce que la façon que je parle est toujours en relation avec votre niveau de conscience, vos émotions, votre mental. Au juste temps. Pardon? Au juste temps. Oui, au juste temps. Oui. Comment, je pense que c'est une question que tu viens de comprendre. Tout ce que tu joues, Pierre, ça, c'est correct, la vie, d'embarquer dedans, tout ça, bien, t'en prends. Bon, je sais qu'on a un play, une game à jouer, puis la joue, c'est bien cool. Un coup, on va tout avoir fini ça, ben, si on va retenir de ce truc. Quand on va avoir, je sais pas, moi, tout, atteint le top. Il n'y en a pas de temps. Il n'y en a pas de temps. Moi, je ne comprends pas pourquoi tout ça, ça existe. Quoi? Tout ça, je ne sais pas comment le décrire. Oh. Moi, là, tu sais, moi, j'ai jamais compris pourquoi on pouvait. J'ai toujours trouvé ça une vie.